إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous en sommes au cours numéro 25 des Arba'in Nawawiyya, au hadith toujours, au hadith 2 de Jibril. Et nous en sommes arrivés donc au pilier de la foi, lorsque Jibril alayhi salam questionne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'est la foi, l'iman. Et donc, il y a six piliers de la foi. Il y a six piliers de la foi. Donc le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, il dit Ar-ruknu al-awwal, l'imanu billah. Le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah. L'imanu billahi jalla wa ala. Donc c'est la foi en Allah, le Très-Haut. Bi'an tu'mina bi'anna Allah wahid la sharika lah. Que tu crois que Allah est unique et il n'a pas d'associé. Et que c'est Allah, le Très-Haut, donc, qui est unique, il n'a pas d'associé, et qui est lui seul, que Allah seul mérite l'adoration en toute vérité, et personne d'autre. Personne d'autre, rien en dehors d'Allah ne mérite l'adoration. Donc, c'est que tu crois, la foi en Allah, c'est que tu crois qu'Allah est le seul, l'unique, et il n'a pas d'associé, et qu'il est le seul qui mérite en toute vérité l'adoration, et en dehors d'Allah, rien ne mérite l'adoration. Et que tu crois en ses noms et attributs, au nom d'Allah et aux attributs d'Allah le Très-Haut. فَلِيمَانُ بِاللَّهِ يَشْمَلُ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَ. Donc, la foi en Allah regroupe les catégories, les trois catégories de Tawhid. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Wa Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. فَلَا يَكُونُ الْإِنسَانُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِتَحْقِيقِ هَذِهِ الثَّلَاثَ. Donc l'individu ne sera pas un croyant excepté s'il concrétise ces trois catégories d'unicité, ces trois catégories de tawhid. وليس الإيمان بالله كما يقول بعضهم أو كثير ممن لا علم عنده الإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله. Et la foi en Allah, ce n'est pas comme beaucoup disent. D'accord? La foi en Allah, ce n'est pas comme certains disent ou comme beaucoup disent, ceux qui n'ont pas de science, qui parlent sans science, qui disent que la foi en Allah, c'est de croire, c'est avoir la foi en l'existence d'Allah. Il dit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qui est voulu par la foi en Allah. فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. Car dire cela, dire que la foi en Allah, c'est croire en l'existence d'Allah, ce n'est pas cela la foi en Allah, ce n'est pas l'Iman billah. فَلَا يَكْفِ الْإِيمَانُ بِوُجُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Le fait de croire en l'existence d'Allah, n'est, en l'existence d'Allah le Très-Haut, cela n'est pas suffisant. وإنما الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، وإن نقص شيء منها لم يكن مؤمنا بالله. Ensuite, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, dit: donc ce n'est pas suffisant de croire uniquement en l'existence d'Allah. Cela n'est pas la foi en Allah et cela n'est pas suffisant. Mais la foi en Allah regroupe la foi en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, la foi en l'unicité d'Allah dans son adoration, dans l'adoration qui est vouée à Allah, seul Allah Azzawajal, uniquement Allah Azzawajal est en droit d'être adoré, et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et s'il manque une de ces trois catégories de tawhid, eh bien l'individu n'est pas un croyant en Allah. فَالْإِمَانْ بِرُبُوبِيَّتِهِ donc la foi en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْكَوْنِ لَا شَرِكَ لَهُ فِي ذَلِكِ هَذَا تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ. Donc il dit l'unicité dans, donc la foi en l'unicité d'Allah dans la seigneurie d'Allah, dans sa seigneurie, c'est que tu crois qu'Allah le Très-Haut est l'unique, qui est le seul qui crée, qui est le seul qui fait ce qu'il veut, qui est le seul qui donne la vie et qui donne la mort, et qui est le seul donc qui fait ce qu'il veut concernant yani la planète, l'univers. D'accord, que ce soit le temps, la pluie, yani c'est Allah Azza wa Jal seul, c'est lui seul qui peut faire cela. D'accord? Et donc ce n'est pas correct de dire, eh bien c'est la nature. Comme on l'entend beaucoup de nos jours, ceux qui disent c'est la nature, eh bien ils veulent dire que autre chose en dehors d'Allah peut avoir un impact dans les saisons ou dans yani les choses qui se passent dans l'univers. Donc ceci est totalement faux, d'accord, et ceci n'est pas correct comme langage à utiliser. On ne dit pas c'est la nature, etc. C'est Allah Azza wa Jal qui décide de faire ce qu'il veut dans l'univers. Il fait ce qu'il veut. Tout ce qui se passe dans l'univers, c'est Allah Azza wa Jal qui le contrôle. Et c'est Allah Azza wa Jal qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. C'est lui qui crée. Lui seul fait cela. Donc cela est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. D'accord ? Ensuite, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, dit « وَهَذَا قَلَّ مَنْ يَجْحَدُهُ مِنَ الْخَلْقِ » Et ce type de tawhid, qui est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, peu de créatures yani le renie. Peu de créatures le renient, excepté les arrogants. Mais sinon, que ce soit les polythéistes, les kofars, les mécréants, etc., tous croient que Allah c'est le seul créateur. Ils ne renient pas cela. Ils croient qu'Allah c'est l'unique créateur, ils ne le renient pas. فَإِنَّ كُلَّ الْخَلْقِ مُؤْمِنَهُمْ وَكَافِرَهُمْ يُقِرُّ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Donc ensuite le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah dit donc que ce type d'unicité dans l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, peu de créatures le renient. Donc seulement les arrogants qui le renient. Car il dit, le Cheikh Hafidhullah, il dit toutes les créatures, parmi les croyants et les mécréants, eh bien, atteste l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ils attestent l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. La preuve est la parole d'Allah le Très-Haut dans Sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 25. Verset 25, dans la traduction du sens du verset. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Ils diront c'est Allah. Donc Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son envoyé, et si tu les questionnes, si tu leur demandes à ces polythéistes, ces associateurs, ces mécréants, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils vont répondre ces mécréants? Ils vont dire, c'est Allah. Vous voyez, ils ne renient pas qu'Allah est l'unique créateur. Donc c'est le verset 25 de Sourate Al-Ankabut. Wa qala, et Allah le Très-Haut a dit, wa la in sa'altahum man khalaqahum, la yaquluna Allah. Et si tu les questionnes, qui les a créés, ils diront, c'est Allah. Ils diront, c'est Allah. Wa qala, et Allah le Très-Haut a dit, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Dans Sourate Al-Mu'minun, les versets 84 à 85, dans la traduction du sens et des versets, dit à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez, ils diront à Allah. Dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Wa qala, et Allah le Très-Haut a dit, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Toujours dans Sourate Al-Mu'minun, le verset qui suit, c'est-à-dire là maintenant le verset 86 dans la traduction du sens, dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, c'est à Allah, ça appartient à Allah. Wa qala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Dans Sourate Younes, verset 31, dans la traduction du sens du verset, dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Donc, فَهُمْ مُقِرُّونَ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّ. Donc les polythéistes, les associateurs, les mécréants, eh bien, attestent, croient en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Donc vous voyez, ils ne le renient pas. Ils attestent qu'Allah c'est le seul créateur, que seul lui attribue de la nourriture du ciel et de la terre, c'est lui qui détient l'ouïe et la vue, c'est lui qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout. Ils disent, ils répondent que c'est Allah. Ils en sont convaincus, ils n'ont pas de doute sur cela. D'accord? Ils savent que c'est Allah, c'est à qui appartient la terre et ceux qui y sont. Ils diront quoi? Ils diront, c'est à Allah. Donc ça, ils l'attestent, ils le confirment. Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? C'est à Allah. Yani, ils ne remettent pas en question l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ils ne remettent pas en question, les kofars, les mécréants, les polythéistes, les associateurs, ne remettent pas en question l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ils y croient. D'accord? Donc c'est pour ça que le shir, Havidullah, il dit, فَهُمْ مُقِرُّونَ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّ. Donc eux, ils attestent, ils croient en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Qui détient l'ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout, ils diront Allah. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ هَذَا مَعَ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ. Il dit le shaykh, حَفِظَهُ اللَّهِ, Donc les polythéistes, les associateurs, ils ne renient pas l'unicité d'Allah. Donc ils ne renient pas ce type de tawhid qui est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ils ne le renient pas malgré qu'ils sont des associateurs, des polythéistes, des kuffars. كما قال تعالى كما الله لتريوادي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون dans sourate Yusuf le verset 106 et la dans la traduction du sens et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc, les polythéistes, les associateurs, les mécréants, donc les kuffars, ne croient uniquement qu'en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ils croient uniquement en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ensuite, il dit le shaykh, hafidhullah, il dit, وَهَذَا لَا يَكْفِي. Donc, يُؤْمِنُونَ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّ فَقَطْ وَهَذَا لَا يَكْفِي. بل لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية أي بأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا والألوهية تعني العبودية والألوهية تعني العبودية. Donc ensuite le Cheikh Saleh Hafizahullah dit, donc les polythéistes, les kuffars, les mushrikines croient en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie uniquement, ils ne croient qu'en cela. Et cela n'est pas suffisant, mais il est essentiel d'avoir la foi en l'unicité d'Allah dans son adoration, dans l'adoration qui doit être vouée à Allah. C'est-à-dire que l'adoration ne doit être vouée uniquement et exclusivement qu'à Allah seul. Ensuite il dit le shaykh, hafidhullah, il dit, c'est-à-dire que l'adoration, nul ne la mérite excepté Allah le Très-Haut. Et l'uluhiya signifie l'adoration. L'uluhiya signifie l'adoration. وَهَذَا هُوَ مَحَطُّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأُمَمِ وَالْرُسُلِ. Et ceci, c'est ce type de tawhid-là, tawhid al-uluhiya, ou encore appelé tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est ce type de tawhid dans lequel il y a eu donc les divergences entre les nations et leurs messagers qui leur a été envoyé. فَكَثِيرٌ مِنَ الْأُمَمِ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ وَيَعْتَرِفُونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَكِنَّهُمْ يُشْرِكُونَ فِي تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ فَيَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ وفيذبحون له وينذرون له ويستغيثون به سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنسا فهذا شرك في توحيد الألوهية وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا. Donc il dit bien ici le Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله. Vous voyez les savants de la Sunna comment Il détaille dans la da'wah. Car c'est essentiel de détailler sur ces points de la aqidah qui sont la base de la religion. Donc il dit, le Cheikh Saleh Hafidhullah, il dit, eh bien, c'est à propos de l'unicité d'Allah, du tawhid d'Allah dans l'adoration que les oppositions et les divergences ont eu lieu entre les nations et leurs envoyés, leurs messagers. Nombreuses sont les nations qui reconnaissent qu'Allah est le créateur et le pourvoyeur de la subsistance. Ils reconnaissent l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Mais ils associent à Allah dans l'adoration. Donc ils adorent avec Allah autre qu'Allah. Donc ils sacrifient des animaux pour autre qu'Allah. Ils font des souhaits à autre qu'Allah. Ils recherchent la protection. Ils recherchent la protection à autre qu'Allah. de la part d'autre qu'Allah. Que ce soit donc cet autre qu'Allah, que ce soit une statue, ou un arbre, ou une pierre, ou une tombe, ou un djinn, ou un humain. Eh bien cela, c'est de l'associationnisme dans l'unicité d'Allah, dans l'adoration qu'il doit lui être vouée. D'accord ? Et c'est l'adoration à autre qu'Allah, avec Allah le Très-Haut. وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد الأسماء والصفات من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته. Donc il dit ensuite le cheikh, hafidhahullah, également il s'est déroulé dans les siècles, dans les derniers siècles, après les meilleurs siècles, qui sont les trois premières générations, après ce temps-là, donc il y a eu des individus qui se sont mis à renier, remettre en cause, donc renier l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Donc parmi les sectes égarées que sont les Jahmiya, on se rappelle Jahmiya, les Jahmiya qui sont Hum Atba' al-Jahm bin Safwan Abu Muhriz al-Rasibi, Jahmiya qui sont donc les suiveurs de celui qui s'appelle Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, vous voyez, Jahmiya s'est pris de son nom qui est Jahm. D'accord ? Cet individu-là, Jahm bin Safwan, qui est à l'origine de cet égarement évident, que sont les. Donc, qu'il y a eu cette secte-là des Jahmiya. Jahmiya provient donc de Jahm bin Safwan. Ad-dal al-mubtadi' ra's al-Jahmiya halaka fi zaman sighar al-tabi'in. Donc, c'est bien d'avoir ces informations-là, inshallah. Donc, pour qu'on reconnaisse ces différentes sectes égarées, ces différents groupes égarés, on sait ils correspondent à qui et à quoi, et à quand est-ce qu'elles se sont déroulées. Donc, cet égaré d'innovateur de Jahm bin Safwan, qui est donc à l'origine de cette secte des Jahmiya, on en a parlé plusieurs fois dans les cours précédents. Donc, cet individu-là de Mubtadi'a, d'égaré, est mort du temps des petits parmi les tabi'in. D'accord ? Des petits parmi les tabi'in. Et donc, il a été tué donc par Salm bin Ahwaz. Donc, parmi donc les sectes égarées qui se sont mis à renier l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, il y a donc la Jahmiya. Il y a wal Mu'tazila. Donc les Mu'tazila. Donc on se rappelle, hein, les Jahmiya, eux, ils renient les noms. Naam, Giovanni. Est-ce qu'on continue à m'entendre ou bien il y a une coupure là? Ok, Inch'Allah, je continue, Inch'Allah. Donc on a vu les Jahmiya. On a vu qui est leur yani qui les a mis en place. Il y a les Mu'tazila. Donc d'où provient ce terme-là de Mu'tazila? C'est une autre secte égarée qui se sont mis à renier donc les noms et attributs d'Allah. Les Jahmiya ont tout renié en bloc, les noms et attributs d'Allah. Puis il y a eu les Mu'tazila. Donc les Mu'tazila, eh bien, هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة. Les Mu'tazila, c'est une des sectes égarées en opposition, en contradiction avec les gens de la Sunna et du consensus. ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء. واصل بن عطاء. Ah ok, y a pas de problème. Donc on se rappelle, celui qui a mis en place la secte égarée des Jahmiya, il s'appelle Jahm ben Safwan, qui a été tué, donc, qui est mort, donc, à la période des petits parmi les tabi'in. Puis il y a eu les Mu'tazila qui ont découlé des Jahmiyyah. Et les Mu'tazila, eh bien, proviennent de cet égaré qui est Wasil ben Atta. Et Wasil ben Atta, Al-Rizal, kana talmidan fi majlis al-Hasan al-Basri. Donc là, on sait maintenant qui est. Donc lorsqu'on dit Mu'tazila, on sait ça correspond à quoi. Mu'tazila, donc, provient de Wasil ben Atta, qui était en fait un étudiant de l'Hassan al-Basri. C'est un grand savant parmi les salaf salih, l'Hassan al-Basri, d'accord? Donc lui, Wasil ben Atta, c'était un étudiant de l'Hassan al-Basri, du savant l'Hassan al-Basri, rahimahullah. فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر فترده الحسن من مجلسه وانضم إليه عمر بن عبيد واعتزل مجلس الحسن فسموا بالمعتزلة لذلك ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. Donc les Mu'tazila qui découlent des Jahmiyyah, eh bien, celui qui a la tête de cette secte égarée, c'est Wasil ben Atta, qui était un étudiant de l'Hassan al-Basri, rahimahullah. Et lui, Wasil ben Atta, il s'est mis en fait à dire en fait des paroles qui opposaient la voix des gens de la sunna et du consensus, la voix des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Il s'est mis à dire qu'il y a un niveau entre les deux niveaux, c'est-à-dire qu'il ne considère pas un individu mécréant, ni ne considère un individu croyant, mais il dit qu'il est entre les deux. C'est ça en fait, hein, dans la aqida de cette secte égarée des Mu'tazila. Donc, qui ont notamment renié des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, eux, ils se sont mis à dire qu'il y a un statut entre les deux. D'accord ? Et ils disent également que celui qui a commis un péché majeur, donc n'est pas un croyant ni un mécréant. Alors, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, l'a exclu de ses assises. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, l'a exclu de ses assises. Et donc, s'est joint à Wasil ben Atta, Amr ben Ubayd. Et ils se sont mis donc à s'écarter donc des assises de l'Hassan al-Basri. Donc le fait qu'ils se sont écartés et exclus donc des assises de l'Hassan al-Basri, c'est ce qu'on dit en arabe, et Mu'tazila, ils se sont écartés. C'est pour ça que on les appelle les Mu'tazila. D'accord? Donc ils ont été nommés les Mu'tazila pour cela. Mais ils sont également nommés les Qadariya, car ils attribuent les œuvres, les actes de l'individu. Ils disent que c'est l'individu qui crée ses propres œuvres. Et ils ont renié donc la notion du qadar, du destin. Pour ça, ils ont été également nommés les Qadariya. وَقَدْ افْتَرَقَتِ الْمُعْتَزِلَ إِلَى فِرَقْ شَتَّى يَجْمَعُهُمَ الْقَوْلِ ينفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن العبد يخلق فعل نفسه ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. Donc là, ce que je vous mentionne sur la description des sectes égarées, c'est ce qui est en notation en bas de page, d'accord ? Pour décrire en fait, pour que lorsque le shir Hafizallah mentionne qui sont les Jahmiyyah, on sait exactement d'où ça vient. Les Mu'tazila, on sait exactement d'où ça vient, d'accord ? Et on va faire de même pour les Ash'ari'la. Donc là, en fait, pour terminer avec la description des Mu'tazila, eh bien, ils se sont divisés en ils se sont subdivisés, on va dire. Les Mu'tazila se sont subdivisés en plusieurs autres groupes égarés. Mais ils se regroupent sur le fait qu'ils ne croient pas aux attributs d'Allah. Yani, ils disent, yani, ils renient les attributs d'Allah. A'udhu billah. Et ils disent également que le Qur'an a été créé. A'udhu billah. Celui qui croit ça, c'est un kafir. Ça l'exclut d'islam. Celui qui croit que le Qur'an est créé n'est plus un musulman. Et lorsqu'on dit il n'est plus un musulman, ça veut dire que s'il est marié, son acte de mariage devient invalide. Et que ses enfants ne peuvent plus hériter de lui. Et que s'il meurt sur cela, on ne l'enterre pas, on ne prie pas de sur lui, on ne lui met pas le linceul, et on ne l'enterre pas avec les musulmans. Et vous voyez, juste une croyance, ce que ça peut mener. Donc, cette secte des Mu'tazila, donc, s'est subdivisée en plusieurs groupes, mais ils se réunissent sur le fait que ils renient les attributs d'Allah, ils viennent avec la parole que le Qur'an a été créé, et ils disent que l'individu crée lui-même ses propres œuvres, et ils ont cinq fondements pour soi-disant les remplacer aux fondements des gens de la sunna et du consensus. Parce que les gens de la sunna et du consensus, ils ont, dans les fondements de la foi, ils en ont six qui sont clairs. Comme on les voit, la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses envoyés, la foi en tous les livres révélés par Allah, la foi au jour dernier, et au destin bon ou mauvais, mais il provient d'Allah. Eh bien donc, eux, ces Mu'tazila, ils se sont mis à faire cinq fondements, mais en voulant de par cela des sens qui sont faux. En voulant par cela des sens qui sont faux. D'accord ? Eh bien, ils ont parmi leurs cinq fondements, ils disent At-Tawhid, Wal-Adl, la justice, Wal-Manzila bayn al-Manzilatayn, c'est-à-dire que le niveau entre les deux niveaux, c'est-à-dire que l'individu, il peut être ni croyant ni mécréant, il est entre deux, Wal-Wa'd, Wal-Wa'id, la promesse et la menace, Wal-Amr bil-Ma'ruf, Wal-Nahi anil-Munkr, et ordonner le convenable et interdire le blâmable. Cependant, chez les Mu'tazila, comme le Cheikh Mohammed Saïd Raslan, Habibullah, l'avait décrit plusieurs fois, c'est que chez les Mu'tazila, ordonner le convenable et interdire le blâmable, c'est-à-dire se rebeller contre le gouverneur. C'est ça que signifie ordonner le convenable et interdire le blâmable chez les Mu'tazila. C'est pour ça que c'est mentionné. Ils ont voulu, de par ces dénominations qu'ils ont données au fondement de la foi, ils ont voulu donc des sens qui sont faux. Donc on a vu les Jahmiyyah, parce que c'est ce que dit le Cheikh Salah al-Fawzan, il dit donc que les kuffar, les polythéistes, les associateurs, les croyants, tous croient en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Mais cela n'est pas suffisant, celui qui ne croit uniquement qu'à cela. D'accord ? On doit croire aux trois catégories de tawhid, que sont l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Puis le Cheikh, Hafidhullah, dit que après les trois meilleures générations, il y a eu donc des sectes égarées qui se sont mis maintenant à renier une autre catégorie de tawhid qui est le tawhid de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et il a mentionné donc les Jahmiyyah, les Mu'tazila, et ensuite il mentionne wa Asha'ira. Et les Asha'ira, on en a parlé plusieurs fois, les Asha'ira. Nisba ila Abi al-Hassan, Ali ben Ismail ben Ishaq ben Salim al-Ash'ari. Al-Asha'ira, donc ça provient donc de Abi al-Hassan al-Ash'ari. Donc ça découle de son nom, là. Ça découle de son nom. Et ce qu'il y a, c'est que à l'origine, il était donc Nasha ala madhhab al-Mu'tazila. Il a grandi avec le madhhab, la voie des Mu'tazila. Donc il faisait partie des Mu'tazila au début. Wa tatalammadha ala yaddi Abi Ali الجباء ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه. Donc il a grandi avec la voix des Mu'tazila et il s'est éduqué auprès donc de Ali al-Jiba'i, puis Abi al-Hasan al-Ash'ari s'est mis à le délaisser et s'est désavoué de lui. وسلك طريق ابن الكلاب. Et il se mit à suivre la voie de Ibn Kullab. وسلك طريق ابن الكلاب. وانتشر مذهبه ثم رجع عنه الى مذهب اهل الحديث وانتسب للامام احمد. Donc il s'est désavoué de celui qui l'éduquait dans la voie des Mu'tazila qui est Abi Ali al-Jiba'i, s'est séparé de lui, il s'est désavoué de lui, puis il s'est mis à suivre la voie de Ibn Kullab. Et cette voie-là, cet égarement-là, c'est donc étendu. Et donc, ça a été transmis aux gens, d'accord? Puis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est revenu vers la voie des gens du hadith. Et il s'est affilié à l'imam Ahmed, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est imam Ahlus Sunnah. وألف في مذهب أهل السنة والجماعة. Et Abi al-Hasan al-Ash'ari, donc il s'est mis enfin à s'affilier à la voix de l'imam Ahmed, la voix des gens du hadith, des gens de la sunna et du consensus. Et il s'est mis à écrire donc des ouvrages, yani selon la voix des gens de la sunna et du consensus, qui notamment Al-Ibana, Al-Mujiz, Al-Rasail, Al-Thagr, donc c'est les différents titres de livres. إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب وتوفي ببغداد سنة 24 و300. قال الذهبي ويقال بقي إلى سنة 30 و300. Abi al-Hasan al-Ash'ari a grandi tout d'abord avec, s'est éduqué avec les Mu'tazila, puis il s'est désavoué d'eux, puis il s'est mis à suivre la voie de Ibn Kullab, puis il est revenu vers la voie des gens du hadith. Lorsqu'on dit les gens du hadith, c'est-à-dire les gens de la sunna et du consensus. Et il s'est affilié à l'imam Ahmed. Et il s'est mis à écrire des ouvrages, d'accord, alors qu'il est dans la voie des gens de la sunna et du consensus. Cependant, il y a des erreurs qui sont restées de la voie de Ibn Kullab. Donc il y avait des erreurs qui subsistaient, hein, lorsqu'il était dans l'égarement de la voix de Ibn Kullab. Et il est mort à Bagdad. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit qu'il est resté sur la sunna. Il a sanat jusqu'à l'année 330. D'accord? Il est resté jusqu'à la sunna, sur la sunna jusqu'à l'année 330. De l'égir, yani. Donc ça, c'était les trois différentes pour qu'on ait une meilleure idée. Donc, ceux qui ont renié, lui, c'est d'Allah dans ses noms et attributs. Les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, et tous ceux qui se mettent à suivre toutes ces sectes et voies égarées. وَمَنْ سَارَ فِي رِكَابِهِمْ يَشْحَدُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Ils se mettent à renier les noms d'Allah et ses attributs. فَمِنْهُمْ مَنْ يَشْحَدُ الْأَسْمَاءَ وَصِفَاتِ. Il y en a parmi ces sectes égarées-là qui renient les noms et les attributs. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّ بِالْأَسْمَاءِ وَيُنْكِرُ الصِّفَاتِ. Il y en a d'autres sectes égarées qui attestent des noms d'Allah mais renient les attributs. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَ الصِّفَاتِ. Et il y en a d'autres sectes égarées qui renient certains attributs. Qui renient certains attributs. Ensuite il dit, le Cheikh Hafidhahullah, il dit والكل سواء لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء عن غير واحد من السلف ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Il dit le Cheikh que ce soit ceux qui renie les noms et attributs, ou bien ceux qui confirment les noms mais renient les attributs, ou bien ceux qui renient certains attributs, eh bien ils sont tous au même niveau. Car il est essentiel, il est obligatoire d'avoir la foi au nom d'Allah et en ses attributs. Il faut croire en l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Il est essentiel d'y croire et non pas renier une partie et croire en une partie. Il est essentiel de croire à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Comme cela a été rapporté dans plus d'un parmi les salafs, les pieux prédécesseurs, qui disent, et la voix des salafis, des pieux prédécesseurs, c'est qu'ils décrivent Allah comme il s'est décrit lui-même. Et comme son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah. Donc ils décrivent Allah comme Allah s'est décrit et comme son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Sans faire aucune distorsion, ni de modifier le sens, sans demander comment sont les attributs, et sans faire de ressemblance ou de parallèle avec Allah. D'accord ? Pas de distorsion des sens, pas de changement des sens, pas de... Il n'est pas permis de demander comment sont les attributs, et il n'est pas permis donc de faire des parallèles avec Allah ou d'apparenter avec Allah quoi que ce soit. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله لأنه جحد قسما من أقسام التوحيد. Donc quiconque renie les noms et attributs d'Allah ou bien une partie des noms et attributs d'Allah tout en ayant la science que cela n'est pas permis, eh bien, il n'est pas croyant. Eh bien, il n'est pas croyant. Car il se met à renier une catégorie des catégories de tawhid. Illa an yakun ma'adhuran bi jahlin aw taqlidin aw ta'wilin fa hadha yakunu dallan la kafira. Excepté, donc il n'est pas croyant celui qui renie les noms et attributs, ou bien une partie des noms et attributs, excepté, donc il peut être excusé, s'il est un ignorant, ou un suiveur aveugle, d'accord ? Ou un suiveur aveugle, ou bien il fait son propre ijtihad, d'accord ? Donc, sans avoir donc cette connaissance de l'interdiction totale de faire cela. Donc celui-là, est alors un égaré et on ne le rend pas mécréant. D'accord ? Ruknu thani, le deuxième pilier de la foi. L'iman bil malaika. La foi aux anges. Fatu'min bi annahum khalqun min khalqillah. Tu crois que les anges sont parmi les créatures d'Allah. وَمِنْ جُنُودِهِ خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنَ النُّورِ. Donc tu crois que les anges, eh bien, sont une des créatures parmi les créatures d'Allah. Et qu'ils font partie de l'armée d'Allah. Allah Azza wa Jal les a créés de lumière. Il les a créés à partir de lumière. D'accord ? Et il ne faut pas faire cette erreur-là, entre parenthèses. Beaucoup croient que Iblis faisait partie des anges. D'accord ? Et ceci est faux et n'est pas correct. Iblis fait partie des djinns. Il a été créé de feu. Tandis que les anges sont créés de lumière. Ont été créés par Allah Azza wa Jal à partir de lumière. Tandis que les djinns, Allah Azza wa Jal les a créés à partir de feu. Mais Iblis, eh bien, a été rapproché au cercle des anges par Allah Azza wa Jal du fait de comment il était dans l'adoration. D'accord? Comment il était dans l'adoration vis-à-vis d'Allah Azzawajal, si bien qu'Allah Azzawajal l'a rapproché au cercle des anges. Donc il ne faut pas faire cette erreur-là en croyant que Iblis faisait partie des anges. Iblis fait partie des djinns, il a été créé de feu. Tandis que les anges ont été créés de lumière. D'accord? Donc les anges, donc le deuxième pilier de la foi que sont la croyance aux anges, que ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah et qui sont créées de lumière, qui sont, yani, son armée, l'armée à Allah. Donc ensuite il dit le cheikh Hafidhahullah, كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Donc comme dans le hadith, qui est rapporté par Muslim dans son sahih, selon Aisha radiallahu anha, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges ont été créés à partir de lumière. Ont été créés de lumière et que les djinns ont été créés à partir de feu et que Adam a été créé comme cela vous a été décrit. والملائكه جمع ملك. Et les anges, yani malaika au pluriel, c'est le pluriel donc de malakin, de malak. والملك هو الرسول. Et le malak, c'est l'envoyé. C'est l'envoyé. لِأَنَّ الْمَلَائِكَ رُسُلٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Car les anges sont des envoyés d'Allah le Très-Haut. إِلَى عِبَادِهِ. Donc ce sont des envoyés d'Allah le Très-Haut à ses serviteurs. Donc Allah Azzawajal envoie ses anges à ses serviteurs. Donc on comprend que malak signifie envoyé. قَالَ تَعَالَى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Donc dans sourate Al-Hajj, verset 75, dans la traduction du sens du verset, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. وهم أصناف مصنفة كل صنف له عمل خاص. Et donc les anges, Allah Azza wa Jal les a créés, et chacun, donc il les a créés de lumière. On sait que malek, que malaïka c'est le pluriel de malek, et que malek signifie envoyé. D'accord? Et Allah Azza wa Jal a dit, donc il appuie cela, le Cheikh Salah al-Fawzan Hafidhahullah, en mentionnant le verset 75 de Sourate al-Hajj. Dans la traduction du sens, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. D'accord? Et il dit ensuite le Cheikh Hafidhahullah que, eh bien, ils sont de différents types, les anges. Ils sont de différentes catégories. D'accord? Et chacun a une œuvre spécifique, dont Allah Azza wa Jal les a mandatés. Fajibril muakkalun bil wahi. Jibril a été mandaté pour la révélation. C'est lui qui transmet la révélation. Wa Mikaïl muakkalun bil qatri wan nabat. Et Mikaïl donc a été mandaté pour la pluie et la végétation. Wa Israfil muakkalun bin nafkhi fi s-sur. Israfil a été mandaté pour souffler dans la trompe. Yani lorsque sera la fin des temps et lorsque sera le jour de la résurrection. Ce sera l'ange Israfil qui fera cela. Wa minhum malak al-maut. Et parmi les anges, il y a malak al-maut, l'ange de la mort. Muakkalun biqabd al-arwah. Qui lui est mandaté à prendre les âmes. Wa minhum man huwa muakkalun bil-ajinna fi butun al-ummahat. Et il y a certains anges qui sont mandatés donc pour en fait le fœtus dans le ventre des mères. Yanfukhu fiha ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin yaktubuhunna. Donc lui il a été mandaté, il y a certains anges qui ont été mandatés donc pour yani insuffler l'âme donc dans ces embryons qui deviennent fœtus. Donc dans ces fœtus-là, qui sont dans le ventre de leur mère. Et en plus, ces anges, que font-ils? Eh bien, ils écrivent donc quatre paroles. D'accord? Comme dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le Sahih de Ibn Mas'ud radiallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Donc c'est d'accord, la preuve est tirée donc de ce hadith-là qui est rapporté par le Bukhari et Muslim dans le Sahih de la narration de Ibn Mas'ud radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il décrivait en fait comment se déroulait donc le développement de l'embryon puis le fœtus dans le ventre des mères. Et ensuite il dit que Allah Azza wa Jal envoie donc un ange qui va souffler, qui va insuffler donc l'âme dans ce fœtus-là. Et Allah Azza wa Jal lui ordonne d'écrire donc quatre paroles. Donc il va écrire donc pour ce fœtus-là quelle sera sa subsistance, quand il mourira, quelles seront ses œuvres, et comment il va vivre, soit malheureux, soit heureux. D'accord? Donc il y a donc certains anges qui ont été mandatés pour cela. Ils ont été mandatés par Allah Azza wa Jal pour cela. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُوَكَّلٌ بِحِفْظِ أَعْمَالِ بَنِي آدَمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Et ensuite le Cheikh Saleh Hafidhullah il dit, et il y a certains anges qui ont été mandatés par Allah pour enregistrer les œuvres des fils d'Adam. Comme la parole d'Allah le Très-Haut dans Sourat Al-Infitar, dans la traduction du sens des versets 10 à 12, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. فَالْمَلَائِكَةُ لَهُمْ أَعْمَالٌ مُوَكَّلُونَ بِهَا يَقُومُونَ بِهَا وَهُمْ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ. Donc les anges ont des œuvres, donc comme on avait vu, les anges ont des œuvres qui leur sont spécifiques. Donc ils font des choses qui leur sont spécifiques. Certains sont mandatés pour la pluie, d'autres pour transmettre la révélation, d'autres pour prendre l'âme du corps de l'individu, d'autres pour insuffler l'âme dans le fœtus et décrire donc les quatre paroles comme nous l'avons vu dans le hadith de Bukhari et Muslim dans leur Sahih. D'autres sont mandatés pour la pluie, etc. D'accord? Donc chacun ont des différentes tâches spécifiques. Et d'autres donc enregistrent donc les œuvres du fils d'Adam. Donc les anges donc sont mandatés pour différentes œuvres qu'ils font. Les anges obéissent à Allah, ils ne désobéissent pas à Allah, ils ne désobéissent à Allah. D'accord? Et ils font partie d'une des armées d'Allah le Très-Haut. وَهُمْ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ الَّذِينَ لَا نَرَاهُمْ. Et ils font partie du monde de l'invisible et nous ne les voyons pas. Ils font partie du monde de l'invisible et nous ne les voyons pas. D'accord? وَلَكِنَّنَا نُؤْمِنُ بِوُجُودِهِمْ. Mais nous croyons en leur existence, en leur présence. وَنُؤْمِنُ بِأَعْمَالِهِمْ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِهَا بِأَمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. Donc nous croyons en leur existence, leur présence, nous croyons qu'ils font les œuvres qu'Allah Azza wa Jal nous l'a mentionné. D'accord? Qu'ils font les œuvres qu'Allah Azza wa Jal a mentionné, nous croyons. لا كمن انحرف في الملائكة فمنهم من عاد بعضهم. Tandis que d'autres se sont mis à, yani, à avoir un mauvais comportement vis-à-vis de la croyance des anges. Il y en a qui se sont mis à prendre des anges pour ennemis. Quel Yahoud yu'aduna Jibril alayhi salam. Comme les juifs. Donc le Cheikh Saleh Hafidhullah, il dit, donc voilà les gens de la sunna et du consensus sur quoi ils croient. D'accord ? Tandis qu'il y en a d'autres qui se sont mis à renier certains anges ou à prendre pour ennemis certains anges, comme les juifs qui ont pris pour ennemi Jibril, alayhi salam. وَيَقُلُونَ جِبْرِيلُ عَدُوُّنَا وَلَوْ كَانَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ غَيْرَ جِبْرِيلٍ لَآمَنَّا بِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلٍ فَنَحْنُ لَا نُؤْمِنُ بِهِ لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَدُوُّنَا. Donc ça, c'est ce que les juifs, eux, ont pris pour ennemi Jibril, alayhi salam. Et ils disent que Jibril est notre ennemi. Et si ce n'est pas Jibril qui est descendu sur Muhammad, alors nous aurions cru en lui. Nous aurons cru en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, étant donné que celui qui est descendu sur Muhammad est Jibril, alors nous ne croyons pas en Muhammad parce que c'est Jibril, car c'est Jibril et Jibril est notre ennemi. Ça, c'est la parole des juifs, c'est kuffar. قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورة البقرة دي فيرسي 97 à 98, verset 97 à 98 de Sourate al-Baqarah, dans la traduction du sens du verset, où Allah le Très-Haut a dit, « Dit quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des mécréants. Wa min al-Shi'a aydan man yu'adi Jibril ta'athuran bil Yahoud. Et parmi les Shi'a, il y en a qui ont pris pour ennemi Jibril, car ils ont été influencés par les Juifs. Fayaqul, donc ils disent, ces Shi'a, Inna risala li Ali, walakin Jibril khana wa a'taha li Muhammadin. Wa sha'iruhum yaqul khana al-amin wa saddaha an haydarati. Et donc le Cheikh Salah Al-Fawzan, il dit, et il y a également parmi les Shi'a, donc, en étant influencés des Juifs, bien qui ont pris pour ennemi Jibril. Ils disent, ces Shi'a, que le message était pour Ali. Mais Jibril a trahi et l'a donné à Muhammad. Vous voyez ? Et Jibril l'a trahi et l'a donné à Muhammad. Et parmi leurs soi-disant poètes là, qui disent, parmi les Shi'a, qui disent que celui qui, yani l'amin, celui qui respecte le dépôt, a en fait trahi. Donc ils insultent Jibril d'avoir trahi. Et au lieu de donner la risala à Ali, ils l'ont donné à Muhammad. Subhanallah. Et vous voyez, lorsque vous faites le tashahhud final, il y a des johel qu'Allah les guide et nous guide. Amin. Ils se mettent à imiter les Shi'a, et à chaque fois ça je le dis. Mais ça, il faut enlever cette façon d'agir. Subhanallah. Il faut adorer Allah Azza wa Jal comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Sallu kama ra'aytumuni yusalli, priez comme vous m'avez vu prier. Il y en a, lorsqu'ils arrivent au tashahhud final, ils se mettent, une fois qu'ils ont terminé leur tashahhud final, ils se mettent à lever les deux mains et à taper sur leurs genoux. Eh bien ça, c'est ce que font les chiites. Les chiites lèvent leurs mains à la fin, ils se mettent à taper comme ça, parce qu'eux, ils disent qu'ils sont en train de frapper Jibril. Pour avoir trahi, au lieu de donner le message à Ali, ils l'ont donné à Muhammad. Ya'oudou billah. ومن الناس خصوصا المشركين من يقول الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. Et ensuite le Cheikh Saleh Hafidhullah il dit, et il y a parmi les gens, spécialement chez les associateurs, les polythéistes, qui disent que les anges sont les filles d'Allah. A'oudou billah, Allah est au-dessus de ce que lui attribue ses kuffars de polythéistes, d'associateurs. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 19 de Sourate Az-Zukhruf, et ils firent des anges qui sont les serviteurs du Tout Miséricordieux, des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. Et dans Sourate At-Tur, verset 39, قال تعالى وقال تعالى أم له البنات ولكم البنون. Dans la traduction du sens du verset 39 de Sourate At-Tur, Allah le Très-Haut a dit, Allah aurait-il les filles tandis que vous, les fils? وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et dans Sourate An-Nahl, la traduction du sens du verset 58, yani 57-58, dans Sourate An-Nahl, et ils assignent à Allah des filles, gloire et pureté à lui. Et à eux-mêmes, cependant, ils assignent ce qu'ils désirent, et yani des fils. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Subhanallah, vous voyez, alors, ils assignent à Allah des filles, ils disent que les anges sont des filles, et qu'Allah a des filles, a'udhu billah, gloire et pureté à Allah. Allah est au-dessus de ce que ces égarés de mouchikines, d'associateurs de kuffar disent. Eux, ils assignent à Allah des filles, mais eux, pour eux-mêmes, ils ne l'acceptent pas. Subhanallah. ثم قال, puis Allah le Très-Haut a dit, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. Toujours dans Sourate An-Nahl, verset 62, dans la traduction du sens, et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Wa qala ta'ala, astafa al-banati 'ala al-banin, ma lakum kayfa tahkumun, afala tadhakkarun. Dans la traduction du sens des versets 151 à 155 de Sourate As-Saffat, Allah le Très-Haut a dit, certes ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? فَإِذَا كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْبَنَاتِ لِيَنْفُسِكُمْ وَتَكْرَهُونَهُنَّ فَكَيْفَ تَنْسِبُونَهُنَّ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah, dit ensuite, puisque vous-même, vous n'agréez pas d'avoir des filles, d'avoir pour vous-même des filles, et que vous les détestiez, alors comment se fait-il que vous attribuez cela à Allah le Très-Haut? Ma'anna Allah lam yattakhid walada. Avec le fait qu'Allah n'a pas pris de fils, Allah n'engendre pas, n'a pas engendré. Rien ne ressemble à Allah, ce sont les créatures qui engendrent. Allah le Très-Haut est le Créateur, il ne ressemble en rien à ses créateurs, à ses créatures. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Qu'ensuite il dit le Cheikh, Ma'an Allah lam yattakhid walada, avec le fait qu'Allah n'a pas pris d'enfant, n'a pas pris de fils, n'a pas pris d'enfant, n'a pas engendré, n'engendre pas. Walakin hadha min babi raddi alayhim. Cela, on dit cela pour, en tant que réponse, réfutation à ces gens-là. Wa bayan fasad qawlihim. كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله فنسبوا لله جل وعلا الابن والمشركون نسبوا له البنات والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولد لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد والله جل وعلا ليس له شريك ولا شبيه وهو الغني سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأولاد إنما هذا في البشر والمخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد. Donc là, le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah termine ce deuxième pilier de la foi et on va s'arrêter sur ce point-là, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, on continuera Inch'Allah la semaine prochaine. Donc, il dit le Cheikh Hafidhahullah. Il dit donc, vous-même qui détestiez avoir des filles, vous dites que les anges sont des filles, sont les filles d'Allah. Vous attribuez à Allah des filles, alors que vous-même vous détestiez cela, d'avoir des filles. Subhanallah. Alors qu'Allah n'engendre pas, n'a pas été engendré et n'engendre pas. Allah c'est le créateur, rien ne lui ressemble. Et il dit le Cheikh, on montre donc la corruption de leurs paroles, la fausseté de leurs paroles de ces associateurs. Comme les Nasara qui disent, les chrétiens qui disent, que ils disent eux, ils disent Jésus c'est le fils d'Allah. A'oudou billah, ils disent c'est le fils de Dieu. Eux ils disent comme ça. D'accord ? Et je dis c'est pas correct de dire, d'utiliser Dieu pour Allah. D'accord ? Car on peut mettre Dieu au pluriel, alors qu'Allah ne se met pas au pluriel. Donc les chrétiens, les Nasara, ils disent que, comme les Nasara qui disent que le Messie est le fils d'Allah. Ils ont attribué à Allah le Très-Haut un fils. Et les associateurs, les polythéistes, ont attribué à Allah, lui ont attribué des filles. Et Allah le Très-Haut n'a pas pris de compagne. Et Allah le Très-Haut n'a pas d'enfant. Car l'enfant est une partie du parent et il est une ressemblance du parent et Allah le Très-Haut n'a aucun associé ni personne qui lui ressemble et il est Allah le Très-Haut est s'autosuffit. Allah le Très-Haut s'autosuffit, il n'a pas besoin d'avoir d'enfant, mais cela c'est pour l'humain. C'est pour les créatures qui sont dans le besoin d'avoir des enfants. D'accord ? Donc on a terminé. Donc le deuxième pilier de la foi. Donc on va terminer, Inch'Allah, les autres piliers de la foi, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum pour votre patience et votre écoute. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Et donc samedi prochain, Inch'Allah, nous continuerons donc les explications des 6 fondements de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali. Et dimanche prochain, Inch'Allah, nous continuerons donc le reste des piliers de la foi. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.